Ah, mais je suis nul. Je sais pas. J'arrive même pas à enchaîner ces putains d'accords là. Attends. Ah, mais il faut un. Attends, je suis 132. Rond en fait. Ouais, oui. Il y a un problème là. Oh! 2, 3, 4. Oxo, la terre, Oxo. Hello, night child. Ah d'accord. Bon, on va voir. Mais Karma, Karma il a des meilleurs drones. C'est quoi la tonalité? C'est là. Je vais installer l'autre là comme toi. Comment s'appelle déjà? Ah mais t'es au lounge toi? Merde, je croyais que t'étais connecté. Bah viens. Fait de la musique. Oh non, non, c'est laquelle celle-là là, de Scorpion? Cherche les partitions. Win of Change. Tout en fait. Tu vois la tablature Win of Change. En Do. Bon, tu veux pas quoi? T'aimes pas Scorpion? T'aimes pas les Scorpions pour les filles? C'est vachement aigu, donc je peux transposer moi. Un truc ou quoi là? C'est quoi le tempo ça? Allez, on fait juste le refrain. Fais-moi plaisir. Y'a pas le tempo là-dessus, là, sur cette tablature? Arrange, guitare solo, nanina, nanania. Je connais pas le tempo. Putain, c'est trop haut, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh. Fait mal.